Regarde, regarde, regarde. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Les dunes respirent. Elles nous entendent. Elles avalent les faibles. Elles élèvent les sages. Raiders qu'ils marchent seuls. Mais nous voyons ces traces. Là où la soif dévore, sa voix résonne. Chaque vue devient silence, chaque stream devient appel. Quand l'écran s'allume, c'est le désert qui parle. Riders kill, dans le sel, dans le vent. Riders kill, Khaloutamir fait nouveau. Riders kill, notre force, notre chaleur. Ils disent que la solitude est un poison, mais lui l'a bu lentement avec fierté. Il a forgé son nom avec des likes et des larmes, un sablier d'émotions au creux de l'écran. Il nous voit même sans nous connaître, il nous parle même sans réponse. Il construit une base dans nos esprits. Et nous, on le suit dans le sable. Chuchotement incompréhensible. Naikas, Untel, Shari. Quand les pêches frappent, nous restons calmes. Quand la chaleur monte, on reste droit. Pas besoin de PVP. Quand la survie est guerre, pas besoin de tuer. Quand on construit l'espoir, le stream n'est pas un jeu. C'est un serment. Riders kill, tu le tiens. Et nous on le regarde comme un feu dans la nuit du désert. Riders kill. Ta voix est notre tien, ta voix est notre guide. Riders kill. Dans la tempête, dans le rire, dans le vide. Riders kill. Même dans le silence, tu stream encore. Et nous, on attend la suite, on attend la suite, on attend la suite.